L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est midi et vous êtes bien sur France Culture. Chaque dimanche, cet été, nous nous souvenons que les animaux ont eux aussi leur histoire. Cette histoire, c'est Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, qui nous la conte en retraçant le parcours à travers les siècles d'un animal célèbre. Celui dont il va être question aujourd'hui est peut-être le plus fameux d'entre tous, une sorte de star, tant sont nombreux les récits, les histoires, écrites ou orales, dont il est le héros. Faire son histoire, c'est peut-être avant tout faire l'histoire de la peur qu'il nous inspire. Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, cette bête sauvage terrifie l'homme depuis la nuit des temps. Fondée ou non, cette peur fait en tout cas partie de notre histoire culturelle. Aujourd'hui, portrait d'un grand méchant, ou supposé tel, le loup. Qui craint le grand méchant loup, c'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le goût, tra-la-la-la-la. Si jamais nous le rencontrons, fois de mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons, tra-la-la-la-la. Il y avait trois petits cochons, à la queue en tire-bouchon, qui lorsqu'on parlait du grand méchant loup, ne s'affolait pas du tout, le premier joyeux. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Qui craint le grand méchant loup, la très célèbre chanson, est ici interprétée par Georges Milton pour la version française du court-métrage Les Trois Petits Cochons, un court-métrage produit par les studios Disney, bien sûr, en 1933. La première question que j'ai envie de vous poser, Michel Pastoureau, est-ce que le loup nous a toujours fait peur ? Oui et non. Dans la longue durée, on peut dire que la peur du loup, en Occident, c'est un fait constant au fil des millénaires et des siècles. Mais il y a quand même des périodes où elle se ralentit, elle se fait moins grande. Moi qui suis historien du Moyen-Âge, j'aurais tendance à distinguer trois périodes pour le Moyen-Âge des rapports entre l'homme et le loup. Un haut Moyen-Âge où l'homme, en effet, a peur du loup. Puis un Moyen-Âge central où cette peur se fait plus discrète. Le roman de Renard, par exemple, qui date des 12e et 13e siècles, met en scène un loup ridicule, Isengrin. Et puis de nouveau, à la fin du Moyen-Âge, période de catastrophe, notamment climatique, période où tout le monde a faim, y compris les animaux, les loups entrent dans les villes et les villages et font de nouveau peur. Mais la peur du loup, c'est plutôt une affaire de l'époque moderne, 16e, 19e siècle. Là, la peur est immense et le fait que Le Petit Chaperon Rouge soit publié par Perrault en 1697, c'est-à-dire à la fin du 17e siècle, ou que l'histoire terrible de la bête du Gévaudan se situe dans les années 1760, sous le règne de Louis XV, c'est assez révélateur de la modernité, au fond, de cette peur. Alors, on va revenir sur toutes ces histoires au fil de cette émission. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par le commencement, le moment où donc le loup ne fait pas peur, dans l'Antiquité, par exemple, comment est-ce qu'il est perçu, à quelle symbolique l'associe-t-on ? La symbolique du loup antique est ambivalente, comme celle de la plupart des animaux. Il y a un bon et un mauvais loup. Le mauvais loup, le loup terrible, le loup dont se méfie, c'est celui des Germains, par exemple, et de l'archétype, le loup Fenrir, celui qui va mettre fin à la vie des dieux et à celle des hommes en mangeant la lune et le soleil. C'est le loup Fenrir. Fenrir, oui, c'est un loup redoutable que les dieux ont enchaîné, mais qui va finir par briser sa chaîne et au fond dévorer tout le monde. Ce sera le crépuscule final. Inversement, chez les Romains, le loup, mais surtout la louve, est plutôt valorisée à cause de l'histoire de Romulus et Rémus. Oui, c'est la fameuse louve romaine. C'est la louve romaine. Les deux jumeaux avaient un grand-père qui régnait sur une ville voisine de Rome, qui n'existait pas encore. Il a été chassé par son propre frère, qui, pour éliminer ses petits-neveux, les avait placés dans les eaux du Tibre, pensant qu'ils allaient se noyer, et puis le Tibre, personnifié, a eu pitié des jeunes enfants, les a déposés à l'entrée d'une grotte où ils ont été nourris et élevés par une louve, et cet endroit est devenu plus tard un lieu sacré. Romulus et Rémus ont grandi, ont rendu le trône à leur grand-père, et puis ont décidé de fonder une ville. Ils n'étaient pas d'accord sur l'emplacement. Rémus penchait pour l'Aventin, Romulus pour le Palatin. Les dieux ont désigné le Palatin. Rémus, furieux et jaloux, a fini par être tué par Romulus. Bref, c'est une histoire bien connue, mais Romulus qui gagne dans l'histoire. C'est Romulus qui gagne, qui fonde la ville de Rome au 8e siècle avant notre ère. Le lieu où ils ont été recueillis par la louve devient un lieu sacré, le figuier qui les avait protégés, un arbre sacré, et les deux animaux qui les avaient protégés et nourris, d'abord la louve puis l'aigle, deviennent deux des emblèmes de la Rome antique. La louve est particulièrement célébrée et mise en scène à Rome, alors que le loup est, chez les voisins, plutôt un animal négatif. La louve romaine, donc, est une louve féconde, protectrice, bienveillante. Et nourricière, oui, tout à fait, c'est un animal pris en bonne part. Ça déroute un peu l'historien parce que, dans un sens commun, la louve, loupa en latin, c'est un terme péjoratif qui désigne la femme adultère, la prostituée. On en a gardé d'ailleurs dans notre vocabulaire le mot lupanar, qui est un lieu de débauche, là où il y a des femmes qui sont des louves. Donc, comme dans beaucoup de sociétés, chez les Romains, les symboles sont ambivalents, y compris la louve elle-même. Et est-ce que dans l'Antiquité, malgré tout, le loup est aussi perçu comme un animal cruel ? Est-ce qu'il était un prédateur à l'époque ? Oui, il est perçu comme un prédateur, un animal redoutable, cruel, surtout vorace. Du point de vue symbolique, le loup, ce sont deux choses. D'abord, une gueule ouverte qui dévore, qui mange tout, et notamment les petits-enfants. Et d'autre part, des yeux qui voient la nuit. Et pour beaucoup de sociétés, les animaux qui voient la nuit sont des animaux négatifs, des animaux qui entretiennent des rapports avec le diable. Cette vision nocturne est celle qu'on retrouve aussi dans les légendes du loup-garou, parce que le loup-garou, c'est celui qui apparaît à la pleine lune. Le loup-garou, c'est un homme qui, certains jours, notamment les jours de pleine lune, la nuit, se transforme en animal et spécialement en loup. On a beaucoup ergoté sur la signification de garou. Est-ce que cela veut dire un loup dont il faut se garder, une étymologie germanique, donc, ou bien faut-il chercher autre chose? En tout cas, les histoires de loup-garou, d'humains qui se transforment en loup, soit volontairement, soit comme punition infligée par les dieux, on en a trace dans des époques très très reculées, mais c'est au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne qu'on a les histoires les plus nombreuses, soit littéraires, soit dans la société véritable. Il y a des hommes, plus rarement des femmes, mais surtout des hommes, donc, qui sont accusés d'être des loups-garous. C'est la grande époque où on fait la chasse aux sorciers au 15e, 16e et 17e siècle, et fin 16e siècle encore, en Bourgogne, en Franche-Comté, il y a des hommes qui sont mis à mort, exécutés, parce qu'on les soupçonne d'être la nuit des loups-garous. Je crois que le dernier procès date de 1595, donc à une date très très très très avancée. Et le loup-garou, c'est un homme, donc mi-homme, mi-loup, qui est amateur de chair humaine. Il est réputé dévorer des humains. Il est réputé dévorer les enfants, il commet des méfaits de toutes sortes, soit contre son gré, il est puni, il est transformé, soit volontairement, et naturellement, ceux qu'on appelle les sorciers passent pour se transformer facilement quand ils le veulent en loup-garou. Quand ils ont forme humaine, on dit qu'on les reconnaît, en tout cas au XVIe siècle, on les reconnaît à leur aspect pileux, à leurs doigts courts et plat, pâté, et à leur comportement quelque peu mélancolique, comme s'ils regrettaient leur état animal. On dit aussi que les enfants mâles bâtards ont des prédisposition pour devenir des loups-garous. Le loup amateur de chair humaine, c'est une idée qu'on retrouve au fil des temps. Est-ce que c'est une idée ancienne ? C'est une idée très ancienne. Le loup, véritable, en effet, se nourrit de chair. On a beaucoup débattu pour savoir si le loup attaquait l'homme, si le loup mangeait la chair de l'homme, et notamment de l'homme vivant, en quelque sorte. L'un de mes collègues de l'université de Caen, Jean-Marc Morisseau, a étudié avec son équipe d'étudiants pour les 16e, 18e siècles, 3000 attaques de loups sur des enfants et des jeunes femmes ou des jeunes filles, voire des adultes mâles dans la France d'Ancien Régime. Il a eu pas mal d'ennuis avec des écologistes partisans de la réintroduction du loup dans l'Est de la France, soulignant que jamais le loup n'attaque l'être humain. Or, sous l'Ancien Régime, les documents sont là. Le loup, en période de famine, en période de calamité, a une disposition particulière pour s'attaquer aux êtres humains. Tout cela est extrêmement bien documenté. Oui, c'est un sujet qu'on débat encore aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, le loup existe en France. Il en existe, je crois, à peu près 300 sur notre territoire. Oui, et puis il y a des loups qui franchissent les frontières, évidemment, qu'on a du mal à dénombrer, mais ceux qui viennent d'Italie du Nord, du Trentin, sont arrivés dans les Alpes, puis au-delà des Alpes, se sont introduits vers les monts d'Auvergne, rejoignent les territoires de la bête du Gévaudan. Il y a aussi ceux que l'on a réintroduits volontairement. Bon, il y a des débats. Pour l'historien que je suis, il est évident que le loup, à certains moments, notamment lorsqu'il a faim, et c'est un individu animal qui a très souvent faim que le loup, qu'il peut attaquer l'être humain. Alors justement, Michel Pastoureau, vous mentionnez l'histoire de la bête du Gévaudan. Il faut absolument qu'on s'y arrête un moment parce que c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu la substance ? Oui, nous sommes sous le règne de Louis XV. L'affaire commence en 1764 dans ce Gévaudan qui correspond à peu près au nord de l'actuel département de la Lozère. C'est pour la première fois une vachère qui est attaquée un après-midi par une bête étrange. Elle n'est pas tuée, elle n'est que blessée, mais elle souligne que cette bête ressemblait à un loup, mais que ce n'était pas un loup. On n'y fait pas trop attention. Puis dans la même zone géographique, un peu plus tard, c'est une bergère qui est dévorée. Ensuite, c'est un gardien de cochon qui est sauvé par ces animaux, qui affronte la bête, et puis les attaques se multiplient, des rumeurs amplifient ces attaques, et tout le monde souligne que ce loup n'est pas vraiment un loup, qu'il est plus grand, qu'il pousse des rugissements extraordinaires. On a tout de suite l'idée que c'est un loup, toutefois, qui est l'auteur des attaques. Oui, au départ, on croit que c'est un loup, mais un loup d'un type particulier. L'affaire prend beaucoup d'ampleur pendant l'année 1764. L'intendant de Languedoc envoie des dragons qui sèment la terreur presque autant que la bête. Et puis, soldats donc, hein, pas des vrais dragons. Non, des soldats, oui, du corps des dragons. Puis, il y a eu une période d'accalmie, puis les choses reprennent en 1765, au point qu'on fait appel aux deux meilleurs chasseurs de loups de France, les deux Normands, les Denval, père et fils, qui viennent en Languedoc, qui en Gévaudan même, qui collaborent avec la population. Ça entraîne une période d'accalmie, il se retire et la bête multiplie ses attaques pendant l'hiver 65-66. Le roi envoie son meilleur louvetier. Le roi s'en mêle, c'est dire si l'histoire est importante. Le roi s'en mêle parce que l'Europe commence à se moquer de ce qui se passe en France, où on n'est même pas capable de tuer un gros loup qui terrorise la population dans une région méridionale du royaume. Et puis, ce personnage tue un loup énorme, on croit que c'est la bête du Gévaudan, période d'accalmie, il rentre à Versailles, pendant un moment on croit que c'est fini, que la bête n'attaquera plus, et puis elle recommence pendant l'année 1767. Et alors là, on prend des mesures énormes, des battues, jusqu'à 10 000 hommes arpentent le territoire du Gévaudan. Cette bête est supposée avoir tué combien de personnes pour qu'on aille jusqu'à employer 10 000 hommes pour la chasser ? Pendant 3 ans et demi, je crois que les morts se situent entre 120 et 150 et les blessés sont plus nombreux encore. Ce qui est frappant, c'est qu'elle intervient comme si elle avait le don d'ubiquité, un matin à un endroit et l'après-midi 40 lieues plus loin. Donc c'est un territoire qui est assez vaste finalement que celui d'intervention de la bête. On se demande s'il n'y a pas plusieurs bêtes, on émet des hypothèses. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est le croisement d'un loup et d'un chien? Est-ce que c'est un tigre, le croisement d'un loup et d'un lion, d'un chien et d'un lion? On émet toutes sortes d'hypothèses. Est-ce que ce n'est pas non plus, et là c'est une vieille tradition, un meneur de loups, c'est-à-dire quelqu'un qui est le maître des loups, qui les excite, qui les éduquerait à tuer. Et les éduquerait à tuer en différents endroits au même moment. Finalement, au cours d'une de ces immenses battues, un paysan local un peu inquiétant, il s'appelle Châtel, tue un énorme loup qui a un peu l'âge d'un type un peu particulier en ce sens qu'il est rayé. À partir de ce moment-là, donc l'automne 1767, les attaques cessent. Et étrangement, ce paysan n'est pas vraiment remercié. C'est un être dont la population se méfie, qui a mauvaise réputation. Le roi Louis XV demande à voir la bête et quand il apporte le cadavre à Versailles, le roi s'en détourne tellement l'animal sent mauvais, il demande à ce qu'on l'enterre au plus vite. Buffon, qui voulait l'examiner, n'a même pas le temps d'arriver qu'il n'y a plus de bête du Gévaudan. Donc, bien dommage, ça, pour l'historien. Oui, l'affaire finit en queue de poisson et on ne sait pas très bien quelle était cette bête. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus solide est qu'il y a derrière un maître des loups, en quelque sorte, quelqu'un, un humain, qui excite un animal ou des animaux d'un type un peu particulier, peut-être revêtu d'une peau en cuir de sanglier, parce que cette bête semble insensible aux armes à feu et aux armes blanches. Pour l'historien, le plus important dans cette affaire, c'est l'aspect médiatique. Pour la première fois, en effet, un fait divers est rapidement connu dans toute l'Europe. La bête attaque en début d'après-midi en Gévaudan. Le lendemain matin, toute l'Europe occidentale est au courant. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau, cette circulation des nouvelles. Oui, c'est une forme d'information qui circule à vitesse presque aussi rapide qu'aujourd'hui, en fait. Presque aussi rapide qu'aujourd'hui, en effet. Et la presse, naturellement, multiplie les articles et les images sur cette affaire. Donc je crois que le dossier le plus important, c'est le dossier médiatique. Alors si on revient un peu en arrière pour parler du loup à travers les siècles, Michel Pastoureau, avant d'être la terrible bête du Gévaudan, ou peut-être l'a-t-il été, vous avez rappelé pour commencer cette émission qu'il avait aussi été au Moyen-Âge un animal plutôt rigolo. Dans le roman de Renard par exemple, il n'est pas du tout un animal qui terrorise, c'est même la victime de Renard le héros. Oui, nous sommes probablement dans une période où le loup ne fait pas peur. La fin du XIIe siècle, la première moitié du XIIIe siècle, le roman de Renard, c'est un ensemble de textes littéraires dus à des auteurs différents, avec des contes séparés qu'on appelle des branches. Oui, il faut rappeler qu'il n'a de roman que le nom. Hein. Le nom roman n'a rien à voir avec ce qu'on désigne aujourd'hui par le terme de roman. Roman signifie qu'il est écrit en langue vernaculaire et pas en latin. Donc c'est une histoire qui tourne autour du goupil, c'est-à-dire du renard, qui met en scène différents animaux, et notamment Isengrin, qui est l'autre vedette du roman, et la vedette négative, auquel le renard joue toutes sortes de tours, le trompe, le berne, viole sa femme, terrorise ses enfants, et oui, ainsi de suite. Oui, pour le coup, c'est la victime absolue. Le loup est la victime absolue, les autres animaux d'ailleurs se moquent aussi de lui, il est ridicule, et ça souligne que soit on n'a pas tellement peur du loup à cette époque, soit qu'on a besoin de cette espèce de catharsis ou de soupape pour évacuer une peur peut-être trop grande. En tout cas, c'est un loup qui ne fait absolument pas peur. Est-ce que la tradition chrétienne a, elle aussi, fait du loup une image du diable? Parce qu'on a vu souvent au cours de ces émissions que la chrétienté avait tendance à attribuer aux animaux des caractères diaboliques. Le loup n'est pas une des vedettes du bestiaire chrétien, c'est plutôt une des vedettes du bestiaire païen, mais il y a quand même une symbolique chrétienne du loup, et elle est évidemment totalement négative. C'est un animal qui est redoutable, qui n'a au fond que des vices. Il est féroce, il est indomptable, il est cruel, il est sauvage, il est rapace et voleur, il est rusé aussi. Les bestiaires racontent comment, quand un loup est tout seul, il fait croire qu'ils sont plusieurs, en mettant sa main devant sa bouche et en faisant des bruits différents. C'est un animal aussi qui marche à reculons pour faire croire qu'il va dans un sens alors qu'il va dans un autre, nous disent les bestiaires, et ainsi de suite. C'est un animal qui se déguise, qui passe pour imiter la voix humaine, comme dans certaines histoires, y compris la chèvre de Monsieur Seguin, où il imite soit la voix de la chèvre, soit la voix du propriétaire, Monsieur Seguin lui-même. Bref, la ruse est toujours mal vue au Moyen-Âge. Ça peut être une qualité diabolique aussi. Oui, le Moyen-Âge n'aime pas du tout la ruse. C'est une tricherie monstrueuse. On préfère les violents directs, si je puis dire, que les rusés. C'est infâme, et notamment pour le Moyen-Âge chrétien. Le loup est un rusé, c'est un cruel. On raconte que il tue par plaisir plus qu'il n'a besoin de nourriture, et qu'il massacre ses victimes, qu'il les dispose de manière à effrayer les populations. Bref, il circule des histoires extrêmement nombreuses et jusqu'à des dates avancées. Ça vient de très très loin et c'est encore bien présent au 19e et au 20e siècle dans la vie des campagnes en Europe occidentale. Si on pense au loup comme personnage, impossible de ne pas ici à un moment faire allusion aux fables de La Fontaine, parce que le loup est l'un des animaux qui revient le plus souvent sous la plume de La Fontaine. Oui, et il n'a pas toujours le beau rôle. Le loup, soit est cruel et sauvage, comme dans Le Loup et l'Agneau, où le loup dévore l'agneau à la fin, soit il est ridicule, comme dans Le Roman de Renard. Mais tout de même, dans Le Loup et l'Agneau, la fable qui commence par la célèbre citation, hein, « La raison du plus fort est toujours la meilleure », dans cette fable, le loup est absolument vorace et méchant. Oui, c'est un loup méchant, cruel, beau parleur aussi, et puis il dévore l'agneau. Et c'est un peu à l'image de ce qui se passe parfois dans la réalité. C'est aussi une figure de l'arbitraire dans cette femme. De la violence, de l'arbitraire, des plus forts qui dévorent les plus petits, c'est une image qui vient de loin. À l'époque féodale, on en fait l'image des grands barons, des grands seigneurs qui n'ont aucune pitié pour les pauvres paysans et qui les dévorent symboliquement en les réduisant à la misère. Le loup est aussi le héros par excellence des contes pour enfants, pour adultes. Il nous faut évoquer bien sûr Le Petit Chaperon Rouge, qui est évidemment l'une des histoires qui ont rendu le loup célèbre. Il en existe plusieurs versions. À quand remonte la première version, si on le sait ? Dans l'état actuel de nos connaissances, la plus ancienne version latine date des environs de l'an 1000. C'est un texte copié dans la région de Liège, un peu avant ou un peu après l'an 1000, qui met en scène une petite fille qui porte une robe rouge. Pourquoi rouge? Mais en tout cas, elle est dévorée par un loup à la fin. Alors il y a plusieurs fins dans les différentes versions. Il y a des fins heureuses et puis il y a des fins qui ne le sont pas. Mais il y a toujours un loup méchant, cruel, déguisé, qui va dévorer la petite fille comme il dévore tous les enfants. Pour ce qui est du rouge de la petite fille, on a avancé pas mal d'explications. Est-ce que c'est le rouge habituel des enfants? On habille des enfants de rouge pour qu'on les reconnaisse facilement. Ou bien est-ce que, comme le disent certaines versions, l'histoire se passe le jour de la Pentecôte, ou bien la petite fille est née le jour de la Pentecôte, et la Pentecôte est vouée liturgiquement à la couleur rouge? La psychanalyse s'en est mêlée. Bruno Bettelheim a souligné que la petite fille était en fait pubère ou prépubère et qu'elle avait très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Donc c'est l'interprétation qu'il fait dans son livre La psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim. Voilà, et il fait du rouge une couleur de l'érotisme en quelque sorte. C'est un peu anachronique pour les plus anciennes versions. On peut imaginer aussi que le rouge ne doit pas être envisagé tout seul, mais par rapport au noir, couleur du loup et couleur de la grand-mère, et au blanc, couleur du petit pot de beurre. Donc on a un schéma ternaire blanc-rouge-noir que l'on retrouve dans de nombreux contes. Mais alors quel serait le sens de cette triade, la signification de cette triade de couleurs ? Eh bien, ce n'est pas tellement symbolique que sémiologique, c'est-à-dire la façon dont, dans la narrativité, les couleurs tournent et jouent un rôle distributionnel. Dans la fable Corbeau et le renard, on a un corbeau noir qui lâche un fromage blanc, qui récupère un renard rouge en bas. On a le même schéma avec les trois couleurs qui comptent plus que toutes les autres dans les sociétés anciennes. Et on les retrouve donc dans le petit chaperon rouge avec une distribution différente. Ça permet d'évacuer ou de relativiser les explications de type sémantique ou symbolique. Alors si j'en reviens à l'histoire du conte, hein, le conte a été tout de même rendu très célèbre par la version qu'en a donnée Charles Perrault, hein, qui a été publiée en 1697 dans son recueil Les Contes de ma mère Loi. Dans sa version à lui, ça finit très très mal puisque le loup dévore pour finir la petite fille après avoir dévoré la grand-mère. Voilà. Et dans des remaniements de la version de Perrault, on a un peu arrangé les choses en faisant intervenir un chasseur qui finalement attend le loup avant qu'il ne dévore la petite fille. Chasseur, oui, c'est une version édulcorée en fait. Édulcorée, disneyisée presque, pourrait-on dire. C'est la version qu'en donnent les frères Grimm notamment. Oui, bien avant Walt Disney, les frères Grimm arrangent un peu les choses, comme ils le font souvent d'ailleurs dans leur recueil de contes. Et c'est aussi un conte qui a prêté, vous l'avez mentionné, qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations sexuelles. Parce que dans la version de Perrault, c'est assez frappant, Perrault nous raconte que cette petite fille va dans le lit du loup, qu'elle s'allonge à ses côtés. Donc c'est en effet, quand on lit la version de Perrault, une interprétation qu'on a du mal à ne pas faire. Oui, bien avant la psychanalyse, qui est un outil de notre temps, pour mieux comprendre notre temps, il y a quand même dans un certain nombre de récits, les romans de chevalerie médiévaux par exemple, ou un certain nombre de contes, une dimension érotique ou sexuelle, sans qu'il soit besoin d'aller très loin. Et en effet, dans Le Petit Chaperon Rouge, dans cette espèce d'attrait, rejet, proximité dans le lit, cruauté, et même la dévoration, elle est partiellement sexuelle. Alors à l'époque contemporaine, hein, on peut constater que le loup a connu une forme de renversement, du moins sa symbolique, sa représentation, puisque dans la plupart des livres pour enfants aujourd'hui, il est plutôt un animal gentil. Je pense par exemple, pour citer un seul exemple, au personnage de Loulou, celui inventé par Grégoire Solotareff. Oui, dans le livre pour enfants, évidemment, faut un peu édulcorer les choses ou les inverser. Il y a des gentils loups, des loups bleus, des loups verts dans le livre pour enfants. Un graphisme aussi qui va dans le même sens, où les traits redoutables et cruels du loup sont atténués et prennent un aspect bonasse en quelque sorte. Il y a aussi toute la mythologie des louveteaux du scoutisme, où de jeunes garçons jouent à être des loups, reçoivent des surnoms empruntés au monde des loups et de la vie des animaux de la forêt. Tout ceci a fait pas mal pour démythifier ou relativiser la cruauté de cet animal. Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Merci beaucoup Michel Pastoureau. On se quitte au son de Serge Gainsbourg qui interprétait en 1960 le chachacha du loup, qui jouait lui aussi sur l'imaginaire d'un loup séducteur. Sur le loup, entre autres références, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage sur les bestiaires du Moyen-Âge qui est paru au Seuil, ainsi qu'au recueil intitulé Les animaux célèbres, paru chez Bonneton. Vous pourrez retrouver ces références et bien d'autres sur le site internet de l'émission à consulter sur la page de France Culture, franceculture.fr. Si vous souhaitez réécouter cette émission, la télécharger ou télécharger les autres épisodes de cette série, rendez-vous également sur le site de France Culture. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas. C'était Les animaux ont aussi leur histoire, une émission réalisée par Anne Pérez, préparée avec la collaboration de Romain Couturier et d'Antoine Vuillose, et avec aujourd'hui à la technique, Émilie Couette. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain, à la même heure, pour le portrait d'un animal facétieux, le renard. Ça, ça, ça.